s'enlise. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. On y rêvait, tandis que le monde me juge. Pour moi qu'un refuge, où d'ici m'est un condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, veiller l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps et non contre l'esprit. Et seulement à ses problèmes, les gens rêvent face à eux-mêmes avec leurs petites idées. Puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre plutôt que de le brûler. Oui, d'une défaite, on va laisser toutes les données pour rire d'aimer. Et le printemps, moi l'automne, mon cœur se prend, le bien se donne, et ma route est déjà tracée.